Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour choisir judicieusement son moyen de transport. Spontanément, ce choix varie en fonction de la météo, du temps dont on dispose, de la distance à parcourir, de ce qu'on doit transporter, des contraintes familiales ou professionnelles, mais aussi de l'âge, de la santé du conducteur et des personnes transportées. Donc, il est certain que si je dois transporter, que sais-je moi, un réfrigérateur sur ne serait-ce que 3 km, je ne vais pas me déplacer à pied. Réponse A et C.